Les hommes qui étaient avec moi dans l'écurie se couchèrent autour du feu, tandis qu'à moi, comme il me restait encore un morceau de cheval à moitié cuit, je le mangeai pour ne pas me laisser mourir. Ce fut le dernier avant de quitter ce pays de malheur. Après, je voulus m'endormir, mais les douleurs qui commencèrent à se faire sentir l'emportèrent sur le sommeil. Cependant, à son tour, le sommeil l'emporta, et je reposai tant bien que mal, je ne sais combien de temps. Lorsque je me réveillai, j'aperçus les trois soldats, arrivés après nous, qui se disposaient à partir, et cependant il était loin de faire jour. Je leur demandai pourquoi. Ils me répondirent qu'ils allaient s'installer dans une maison qu'ils avaient découverte, pas bien loin de notre écurie, et où il y avait de la paille et un poêle bien chaud, que la maison était occupée par un homme, deux femmes et quatre soldats de la garnison de Kovno, dont deux soldats du train et deux autres de la Confédération du Rhin. Aussitôt je me disposais à les suivre, mais je ne pouvais pas abandonner Falopa. En regardant à la place où je l'avais laissé, ma surprise fut grande de ne plus le voir, mais les soldats me dirent que depuis plus d'une heure, il ne faisait que rôder dans l'écurie, en marchant à quatre pattes et faisant des hurlements comme un ours. Comme notre feu ne donnait plus assez de clarté, j'eus de la peine à le découvrir. À la fin, je le trouvai, et pour le voir de plus près, j'allumais un morceau de bois résineux. Lorsque je l'approchai, il se mit à rire, jeta des cris absolument comme un ours, en nous poursuivant les uns après les autres, et toujours en marchant sur les mains et les pieds. Quelquefois il parlait, mais en italien. Je compris qu'il pensait être dans son pays, au milieu des montagnes, jouant avec ses amis d'enfance. Par moments aussi, il appelait son père et sa mère. Enfin, le pauvre Falopa était devenu fou. Comme il fallait provisoirement l'abandonner pour aller voir le nouveau logement, je pris mes précautions pour que, pendant mon absence, il ne lui arrivât rien de fâcheux. Nous éteignîmes le feu et fermâmes la porte. Arrivés au nouveau logement, nous trouvâmes les soldats du train occupés à manger la soupe. Ils n'avaient pas l'air d'avoir eu de la misère. Cela se conçoit, car depuis le mois de septembre, ils étaient à Kovno. Avant de me jeter sur la paille, je demandai aux paysans s'ils voulaient venir avec moi prendre un soldat malade pour le conduire où nous étions, que je lui donnerais 5 francs et en même temps, je lui fis voir la pièce. Le paysan n'avait pas encore répondu, que les soldats allemands nous proposèrent de leur donner la préférence. « Et nous, dit un soldat du train, nous irons pour rien. »« Et nous lui donnerons encore la soupe, dit le second. » Je leur témoignai ma reconnaissance en leur disant que l'on voyait bien qu'ils étaient français. Ils prirent une chaise de bois pour transporter le malade et nous partîmes. Mais comme je marchais avec peine, ils me donnèrent le bras. Je leur contai la triste position de Falopa, qu'il faudrait abandonner à la merci des Russes. « Comment des Russes ?» dit un soldat du train. « Certainement, lui dis-je, les Russes, les Cosaques seront ici peut-être dans quelques heures. » Ces pauvres soldats pensaient qu'il n'y avait que le froid et la misère qui nous accompagnaient. Entrés dans l'écurie, nous trouvâmes le pauvre diable de Piémontais couché de tout son long derrière la porte. On le mit sur la chaise, et de cette manière, il fut transporté au nouveau logement. Lorsqu'il fut couché près du poêle, sur de la bonne paille, il se mit à prononcer quelques mots sans suite. Alors je m'approchai pour écouter. Il n'était plus reconnaissable, car il avait toute la figure ensanglantée, mais c'était le sang de ses mains, qu'il avait mordu ou voulu manger. Sa bouche était aussi remplie de paille et de terre. Les deux femmes en eurent pitié, lui lavèrent la figure avec de l'eau et du vinaigre, et les soldats allemands, honteux de n'avoir rien fait comme les autres, le déshabillèrent. L'on trouva dans son sac une chemise qu'on lui mit en échange de celle qu'il avait sur lui, et qui tombait en lambeaux. Ensuite on lui présenta à boire. Il ne pouvait plus avaler, et par moments serrait tellement les dents qu'on ne pouvait lui ouvrir la bouche. Ensuite, avec ses mains, il ramassait la paille qu'il semblait vouloir mettre sur lui. Une des femmes me dit que c'était signe de mort. Cela me fit de la peine, parce que nous touchions au terme de nos souffrances. J'avais fait tout ce qu'il avait été possible de faire pour le sauver, comme il aurait fait pour moi. Car il y avait 5 ans qu'il était dans la compagnie, et se serait fait tuer pour moi. Dans plus d'une occasion, il me le prouva, surtout en Espagne. La douce chaleur qu'il faisait dans cette chambre me fit éprouver un bien-être auquel j'étais bien loin de m'attendre. Je ne me sentais plus de douleur, de sorte que je dormis pendant 2 ou 3 heures, comme il ne m'était pas arrivé depuis mon départ de Moscou. Je fus éveillé par un des soldats du train qui me dit « Mon sergent, je pense que tout le monde part, car l'on entend beaucoup de bruit. Tant qu'à nous, nous allons nous réunir sur la place, d'après l'ordre que nous en avons reçu hier. Pour votre soldat, ajouta-t-il, il ne faut plus y penser, c'est un homme perdu. » Je me levai pour le voir. En approchant, je trouvai à ses côtés les deux femmes. la plus jeune me remit une bourse en cuir qui contenait de l'argent, en me disant qu'elle était tombée d'une des poches de sa capote. Il pouvait y avoir environ 25 à 30 francs en pièces de Prusse et d'autres monnaies. Je donnai le tout aux deux femmes, en leur disant d'avoir soin du malade jusqu'à son dernier moment, qui ne devait pas tarder, car à peine respirait-il encore. Elles me promirent de ne pas l'abandonner. Le bruit qui se faisait entendre dans la rue allait toujours croissant. Il faisait déjà jour et malgré cela, nous ne pouvions voir beaucoup, car les petits carreaux des vitres étaient ternis par la gelée et le ciel, couvert d'épais nuages, nous présageait encore beaucoup de neige. Nous nous disposions à sortir quand tout à coup le bruit de canon se fait entendre du côté de la route de Vilna et très rapproché de l'endroit où nous étions. À cela se mêlait la fusillade et les cris et jurements des hommes. Nous entendons que l'on frappe sur des individus. Aussitôt, nous pensons que les Russes sont dans la ville et que l'on se bat. Nous saisissons nos armes. Les deux soldats allemands, qui ne sont pas comme nous habitués à cette musique, ne savent ce qu'ils font. Cependant, ils viennent se ranger à nos côtés. Nous avions encore les fusils de deux hommes qui nous avaient quittés le soir et qui n'étaient pas revenus. Ensuite, celui de Falopa. Toutes ses armes étaient chargées. La poudre ne nous manquait pas. Un des soldats allemands avait une bouteille d'eau-de-vie dont il ne nous avait pas encore parlé. Mais content qu'il aurait peut-être besoin de nous, il nous la présenta. Cela nous fit du bien. L'autre me donna un morceau de pain. Un soldat du train me dit, « Mon sergent, si nous mettions un de ces fusils entre les mains du paysan qui est là, qui tremble près du poêle, pensez-vous qu'il ne pourrait pas faire son homme ?»« C'est vrai, lui dis-je. »« En avant le paysan, répondit le soldat. » Le pauvre diable, ne sachant ce qu'on lui veut, se laisse conduire. On lui présente un fusil. Il le regarde comme un imbécile, sans le prendre. On le lui pose sur l'épaule. Il demande pourquoi faire. Je lui dis que c'est pour tuer les Cosaques. À ce mot, il laisse tomber son arme. Un soldat la ramasse, et cette fois la lui fait tenir de force en le menaçant, s'il ne tire pas sur les Cosaques, de lui passer sa baïonnette au travers du corps. Le paysan nous fait comprendre qu'il serait reconnu par les Russes pour être un paysan et qu'il le tuerait. Pendant ce colloque, d'autres cris se font entendre à l'autre extrémité de la chambre. Ce sont les deux femmes qui pleurent. Falopa venait de rendre le dernier soupir. Le soldat du train va prendre la capote de celui qui vient de mourir et force le paysan de s'en vêtir. En moins de 2 minutes, il est armé au complet, car on lui a aussi passé un sabre et la giberne, ainsi qu'un bonnet de police sur la tête, de sorte qu'il ne se reconnaissait pas lui-même. Cette scène s'était passée sans que les deux femmes, qui étaient auprès du mort à se désoler, probablement pour l'argent que je leur avais donné, se fussent aperçues de la transformation de leur homme. Le bruit que nous entendions depuis un moment se fait entendre avec plus de force. Je crois distinguer la voix du général Roguet. Effectivement, c'était lui qui jurait, qui frappait sur tout le monde indistinctement, sur les officiers, les sous-officiers comme sur les soldats. Il est vrai que l'on ne pouvait pas beaucoup en faire la différence, pour les faire partir. Il entrait dans les maisons et y faisait entrer les officiers, afin de s'assurer qu'il n'y avait plus de soldats. En cela, il faisait bien, et c'est peut-être le premier bon service que je lui ai vu rendre aux soldats. Il est vrai que cette distribution de coups de bâton était pour lui plus facile à faire que celle du vin ou de pain qu'il faisait faire en Espagne. J'aperçois un chasseur de la garde arrêté contre une fenêtre et qui mettait la baïonnette au bout de son fusil. Je lui demande si c'était les Russes qui étaient dans la ville. Mais non, non. Vous ne voyez donc pas que c'est ce buteur de général Roguet qui, avec son bâton, frappe sur tout le monde? Mais qu'il vienne à moi, je l'attends. Nous n'étions pas encore sortis de la maison que je vois l'adjudant-major Roustan arrêté devant la porte. Il me reconnaît et me dit « Eh bien, que faites-vous là? Sortez !» Que pas un ne reste dans la maison, n'importe de quel régiment, car j'ai l'ordre de frapper sur tout le monde. Nous sortons, mais le paysan auquel nous ne pensions plus reste naturellement chez lui et ferme sa porte. L'adjudant-major qui a vu ce mouvement et qui pense que c'est un soldat qui veut se cacher, l'ouvre à son tour, rentre dans la maison et ordonne au nouveau soldat de sortir, où il va l'assommer. Le paysan le regarde sans lui répondre. L'adjudant-major saisit mon individu par les buffleteries et le pousse au milieu de nous. Alors le pauvre diable veut se débattre et s'expliquer dans sa langue. Il n'est pas écouté, seulement l'adjudant-major pense que c'est parce qu'il ne lui a pas donné le temps de prendre son sac et son fusil. Il rentre dans la maison, prend l'un et l'autre, et les lui apporte. Il a vu un homme mort et deux femmes qui pleurent. C'est pourquoi en sortant il dit bien haut, « Ce bougre-là n'est pas si bête qu'il en a l'air. Il voulait rester dans la maison pour consoler la veuve. Il paraît que celui-ci est un Allemand aussi. De quelle compagnie est-il? Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu. » Dans ce moment, on ne faisait pas beaucoup attention à ce que disait l'adjudant-major, car on avait assez à faire à s'occuper de soi-même. La femme qui avait entendu la voix de son mari était accourue sur la porte au moment où nous étions encore arrêtés. L'homme, en la voyant, se met à crier après, mais sans pouvoir se faire reconnaître au milieu de nous, où il ne pouvait bouger. Elle était bien loin de penser que le Lituanien, sujet de l'empereur de Russie, avait l'honneur d'être soldat français de la garde impériale, marchant en ce moment non pas à la gloire, mais à la misère, en attendant mieux, tout cela en moins de 10 minutes. J'ai pensé depuis que ce pauvre diable devait faire de tristes réflexions en marchant au milieu de nous. L'on s'était remis en marche, mais lentement. Nous étions dans un endroit de la ruelle où se trouvaient plusieurs hommes morts pendant la nuit, pour avoir bu de l'eau-de-vie et avoir été saisis par le froid. Mais le plus grand nombre se trouvait dans la ville, où je ne suis pas entré. Cependant, nous arrivons à l'endroit où se trouvent les deux issues qui conduisent au pont de Niemen. Nous marchons avec plus de facilité. Au bout de quelques minutes, nous étions sur le bord du fleuve. Là, nous vîmes que déjà plusieurs milliers d'hommes nous avaient devancés, qui se pressaient et se poussaient pour le traverser. Comme le pont était étroit, une grande partie descendait sur le fleuve couvert de glace, et cependant dans un état à ne pouvoir y marcher que très difficilement, vu que ce n'étaient que des glaçons qui, après un dégel, avaient été de nouveau surpris par une gelée. Au risque de se tuer ou de se blesser, c'était à qui serait arrivé le plus vite sur l'autre rive, quoique d'un abord difficile, tant il est vrai que l'on se croyait sauvé en arrivant. On verra par la suite combien nous nous trompions encore. En attendant que nous puissions passer, le colonel Baudelin, qui commandait notre régiment, donna l'ordre aux officiers de faire leur possible afin que personne ne traversât le pont individuellement, d'arrêter et de réunir ceux qui se présenteraient. Nous nous trouvions en ce moment environ 60 et quelques hommes, reste de 2000. Nous étions presque tous groupés autour de lui. L'on voyait qu'il regardait avec peine les restes de son beau régiment. Probablement que dans ce moment il faisait la différence, car 5 mois avant cette épreuve, nous avions passé ce même pont avec toute l'armée si belle, si brillante, tandis qu'à cette heure elle était triste et presque anéantie. Pour nous encourager, il nous tint à peu près ce discours que bien peu écoutèrent. « Allons, mes enfants, je ne vous dirai pas d'avoir du courage, je sais que vous en avez beaucoup, car depuis 3 ans que je suis avec vous, vous en avez, dans toutes les circonstances, donné des preuves, et surtout dans cette terrible campagne, dans les combats que vous avez eus à soutenir, et par toutes les privations que vous avez eues à supporter. Mais souvenez-vous bien que, plus il y a de peine et de danger, plus aussi il y a de gloire et d'honneur, et plus il y aura de récompense pour ceux qui auront la constance de la terminer honorablement. » Ensuite, il demanda si nous étions beaucoup de monde présent. Je saisis ce moment pour dire à M. Serraris que Falopa était mort le matin. Il me demanda si j'en étais certain. Je lui répondis que je l'avais vu mourir, et que même l'adjudant-major Roustan l'avait vu mort. « Qui, moi ?» répondit l'adjudant-major. « Où ?»« Dans la maison d'où vous m'avez dit de sortir, et vous êtes entré pour en faire sortir un autre individu. »« C'est vrai, dit-il, j'ai vu un homme mort sur la paille, mais c'était l'homme de la maison, puisque la femme la pleurait. » Je lui dis que c'était celui qu'il venait de mettre dans la rue qui était le véritable mari, et que celui qu'il avait vu sur la paille était Falopa. Je lui rapportai en ample de mots la scène du paysan, que nous cherchâmes dans nos rangs, mais il avait disparu. Pendant que nous étions restés sur le bord du Niemen, ceux qui étaient devant nous avaient traversé sur le pont ou sur la glace. Alors nous avançâmes, mais lorsque nous eûmes traversé, nous ne pûmes monter la côte par le chemin, parce qu'il se trouvait plusieurs caissons abandonnés qui tenaient la largeur de la route, étroite et encaissée. Alors, plus d'ordre, chacun se dirigea suivant son impulsion. Plusieurs de mes amis m'engagèrent à les suivre, et nous prîmes sur la gauche. Lorsque nous fûmes environ à 30 pas du pont, l'on commença à monter pour gagner la route. Je marchais derrière Grangier, que j'avais eu le bonheur de retrouver, et qui s'occupait plus de moi que de lui-même. Il me frayait un passage dans la neige en marchant devant moi, et me criant dans son patois auvergnat « Allons, Petiot, suis-moi » Mais le Petiot n'avait déjà plus de jambes. Grangier était déjà aux 3/4 de la côte que je n'étais encore qu'autière. Là, s'arrêtant et s'appuyant sur son fusil, il me fit signe qu'il m'attendait. Mais j'étais si faible que je ne pouvais plus tirer ma jambe enfoncée dans la neige. Enfin, n'en pouvant plus, je tombai de côté et j'allais rouler jusque sur le Niemen, où j'arrivais sur la glace. Comme il y avait beaucoup de neige, je ne me fis pas grand mal. Cependant, je ressentais une douleur dans les épaules, et j'avais la figure ensanglantée par les branches d'un buisson que j'avais traversé en roulant. je me relevai sans rien dire, comme si la chose eût été toute naturelle, car j'étais tellement habitué à souffrir que rien ne me surprenait. Après avoir ramassé mon fusil dont le canon était rempli de neige, je voulus recommencer à monter par le même endroit, mais la chose me fut impossible. L'idée me vint de voir si je ne pourrais pas parvenir à passer sous les caissons, à la sortie du pont. Je me traînais avec peine jusque-là. Lorsque je fus près du premier, j'aperçus plusieurs grenadiers et chasseurs de la garde montés sur les roues, et qui puisaient à pleine main l'argent qui s'y trouvait. Je ne fus pas tenté d'en faire autant. Je ne cherchais que le moyen de passer. Mais en ce moment, j'entendis crier « Aux armes ! Aux armes ! Les Cosaques !» Ce cri fut suivi de plusieurs coups de fusil, ensuite d'un grand mouvement qui se propageait depuis le bas de la côte jusqu'en haut. Pas un des grenadiers et chasseurs qui avait la tête dans le caisson ne descendit. J'en tirai un par la jambe. Il se retourna en me demandant si j'avais de l'argent. Je lui répondis que non. « Mais les Cosaques sont là-haut. Si ce n'est que cela, me répondit-il, ce n'est pas pour des canailles qu'il faut se gêner et leur laisser notre argent. Qui en veut, j'en donne. » Et en même temps, il jeta à terre deux gros sacs de pièces de 5 francs. Tout cela n'était que pour amuser ceux qui arrivaient, car je compris qu'ils venaient de trouver de l'or. Les mots de Jaunet et de pièces de 40 francs avaient été prononcés. Je pris le fusil d'un des grenadiers occupés à prendre de l'or. Je laissai le mien qui était rempli de neige, et je m'en retournai à la sortie du pont, afin de reprendre ma direction première, car pour moi, il n'y en avait pas d'autre. À peine arrivé près du pont, je rencontrai monsieur le capitaine de Bonnez, des tirailleurs de la garde, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois. Il était avec son lieutenant et un soldat. C'était là toute sa compagnie. Le reste était, comme il me le dit, fondu. Il avait un cheval cosaque avec lequel il ne savait où passer. Je lui contai en peu de mots l'état malheureux où je me trouvais. Pour toute réponse, il me donna un gros morceau de sucre blanc où il avait versé de l'eau-de-vie. Ensuite, nous nous séparâmes, lui pour descendre avec son cheval sur le Niémen, et moi, pour en mordant dans mon sucre, recommencer pour la troisième fois mon ascension. À peine arrivé où je devais monter, j'entendis que l'on m'appelait. C'était le brave Grangier qui était descendu de la côte et qui me cherchait. Il me demanda pourquoi je ne l'avais pas suivi. Je lui en dis la cause. Voyant cela, il marcha devant moi en me tirant par son fusil dont je tenais le bout du canon. Enfin, ce fut avec bien de la peine, avec le secours de ce bon Grangier et en mordant dans mon morceau de sucre à l'eau-de-vie, que j'arrivai en haut de la côte, abîmé d'épuisement. Plusieurs de nos amis nous attendaient. Le bout de sergent-major, Oudict, sergent-major, Pierson, idem, Poton, sergent. Les autres s'étaient dispersés, marchant comme nous, par fractions. La certitude que l'on avait d'un mieux en entrant en Prusse influait sur notre caractère et commençait à nous rendre indifférents l'un pour l'autre. De l'endroit où nous étions, nous pouvions découvrir la route de Vilna. Les Russes qui marchaient sur Kovno et d'autres plus rapprochés, mais la présence du maréchal Ney avec une poignée d'hommes, les empêchait de venir plus avant. Nous vîmes venir sur nous un individu qui marchait avec peine, appuyé sur un bâton de sapin. Lorsqu'il fut près de nous, il s'écria « Eh, per Dio Santo ! Je ne me trompe pas, ce sont nos amis !» À notre tour, nous le regardâmes. À sa voix et à son accent, nous le reconnûmes. C'était Pellicetti, un Milanais, ancien grenadier vélite. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté la garde impériale pour entrer comme officier dans celle du roi d'Italie. Pauvre Pellicetti ! Ce ne fut qu'au reste de son chapeau que nous pûmes deviner à quel corps il appartenait. Il nous conta que 3 à 4 maisons avaient suffi pour loger le reste du corps d'armée du prince Eugène. Il attendait, nous dit-il, un de ses amis qui avait un cheval cosaque et qui portait le peu de bagages qu'il leur restait. Il en avait été séparé en sortant de Kovno. C'était le 14 décembre. Il pouvait être 9 heures du matin. Le ciel était sombre, le froid supportable. Il ne tombait pas de neige. Nous nous mîmes en marche sans savoir où nous allions. Mais arrivés sur le grand chemin, nous aperçûmes un grand poteau avec une inscription qui indiquait aux soldats des différents corps la route qu'ils devaient suivre. Nous prîmes celle indiquée pour la garde impériale, mais beaucoup, sans s'inquiéter, marchèrent droit devant eux. À quelques pas de là, nous vîmes 5 à 6 malheureux soldats, qui ressemblaient à des spectres, la figure hâve barbouillée de sang provenant de leurs mains, qui avaient gratté dans la neige pour y chercher quelques miettes de biscuits tombées d'un caisson pillé un instant avant. Nous marchâmes jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Nous n'avions fait que 3 petites lieues à cause du sergent Poton, qui paraissait souffrir beaucoup. Nous avions aperçu un village sur notre droite, à 1/4 lieue de la route. Nous prîmes la résolution d'y passer la nuit. En y arrivant, nous trouvâmes deux soldats de la ligne qui venaient de tuer une vache à l'entrée d'une écurie. En voyant une aussi bonne enseigne, nous y entrâmes. Le paysan auquel appartenait la vache, afin de sauver le plus de viande possible, vint lui-même nous en couper, nous faire du feu et ensuite nous apporta deux pots, avec de l'eau pour faire de la soupe. Nous avions de la bonne paille, du bon feu. Enfin, il y avait bien longtemps que nous n'avions été si heureux. Quelques minutes après, nous mangeâmes notre soupe. Ensuite, nous nous reposâmes. J'étais couché près de Poton qui ne faisait que se plaindre. Je lui demandai ce qu'il avait. Il me dit « Mon cher ami, je suis certain que je ne pourrai pas aller plus loin. » Sans me douter des raisons qui le faisaient parler ainsi, accident grave que personne de nous ne connaissait, je le consolai, en lui disant que lorsqu'il aurait reposé, il serait beaucoup mieux. Mais un instant après, il eut la fièvre, et pendant toute la nuit, il ne fit que pleurer et divaguer. Plusieurs fois même la nuit, je le surpris, écrivant sur un calepin et en déchirant les feuillets. Dans un moment où je dormais paisiblement, je me sentis tiré par le bras. C'était le pauvre Poton qui me dit « Mon cher ami, il m'est impossible de sortir d'ici, même de faire un pas. Aussi, il faut que tu me rendes un grand service. Je compte sur toi, si plus heureux que moi, tu as le bonheur de revoir la France. Dans le cas contraire, tu chargeras Grangier, sur qui je compte comme sur toi, de remplir la mission dont je te charge. Voici, continua-t-il, un petit paquet de papier que tu enverras à l'adresse indiquée, à ma mère, accompagné d'une lettre dans laquelle tu lui peindras la situation où tu m'as laissé, sans cependant lui faire perdre l'espoir de me revoir un jour. Voilà une cuillère en argent que je te prie d'accepter. Il vaut mieux que tu l'aies que les Cosaques. » Alors il me remit son petit paquet de papier, en me disant encore qu'il comptait sur moi. Je lui promis de faire ce qu'il venait de me dire, mais j'étais bien loin de croire que nous serions forcés de l'abandonner. Le 15 décembre, lorsqu'il fut question de partir, je répétai à nos amis la confidence que Poton venait de me faire. Ils pensèrent que c'était manque de courage, ou qu'il devenait fou, de sorte que chacun se mit à lui faire des observations à sa manière. Mais le malheureux Poton, pour toute réponse, nous montra deux hernies qu'il avait depuis longtemps, et qui étaient sorties par suite d'efforts réitérés qu'il avait faits en montant la côte de Couvenot. Nous vîmes effectivement qu'il lui était impossible de bouger. Le sergent-major Leboud pensa que l'on ferait bien de le recommander au paysan chez lequel nous étions. Mais avant de le faire venir, comme Poton avait beaucoup d'argent et surtout de l'or, nous nous dépêchâmes à coudre son or dans la ceinture de son pantalon. Ensuite, nous fîmes venir le paysan, et comme il parlait allemand, il nous fut facile de nous faire comprendre. Nous lui proposâmes 5 pièces de 5 francs, en lui disant qu'il en aurait 4 fois autant et peut-être davantage s'il avait soin du malade. Il nous le promit en jurant par Dieu, et que même il irait chercher un médecin. Ensuite, comme le temps pressait, nous fîmes nos adieux à notre camarade. Avant de le quitter, il me fit promettre de ne pas l'oublier. Nous l'embrassâmes et nous partîmes. Je ne sais si le paysan a tenu sa parole, mais toujours est-il que plus jamais je n'ai entendu parler de Poton, qui était, sous tous les rapports, un excellent garçon, bon camarade, ayant reçu une excellente éducation, chose très rare à cette époque. Il était gentilhomme breton, d'une des meilleures familles de ce pays. Tant qu'à moi, j'ai rempli religieusement ma mission, car à mon arrivée à Paris, au mois de mai, j'envoyais à l'adresse indiquée les papiers qu'il m'avait confiés, et qui contenait son testament et les adieux touchants qu'il écrivait pendant qu'il avait la fièvre. J'en ai tiré une copie que je reproduis. « Adieu, bonne mère, mon ami, adieu, ma chère, ma bonne Sophie, adieu, Nantes, où j'ai reçu la vie, adieu, belle France, ma patrie, adieu, mère chérie, je vais quitter la vie, adieu. » Depuis plusieurs années, j'avais cessé d'écrire mon journal de la campagne de Russie, c'est-à-dire de mettre en ordre les souvenirs que j'avais écrits en 1813, étant prisonnier. Il m'était venu une singulière manie. C'était de douter si tout ce que j'avais vu endurer avec tant de patience et de courage dans cette terrible campagne n'était pas l'effet de mon imagination frappée. Cependant, lorsque la neige tombe et que je me trouve réuni avec des amis anciens militaires de l'Empire, dont quelques-uns de la garde impériale, bien rares à présent, 1829, qui ont fait comme moi cette mémorable campagne, c'est-à-dire qui ont été jusqu'à Moscou, c'est toujours là que nos souvenirs se portent, et j'ai aussi remarqué qu'il leur était resté, comme à moi, d'ineffaçables impressions. C'est avec orgueil que nous parlons de nos glorieuses campagnes. Aujourd'hui que ma mère vient de me remettre quelques lettres que je lui avais écrites pendant cette campagne et que je regrettais de ne pas avoir, afin de les rejoindre à la fin de mon journal, je reprends courage. Ajoutez à cela les conseils de quelques amis qui m'engagent à terminer. Pour moi, cela me fait revivre. Peut-être un jour, qui sait, mes récits, quoique mal écrits, intéresseront-ils ceux qui les liront ? car après tant de grandes choses que nous avons vues, que nous reste-t-il à voir ? Le grand génie n'est plus, mais son nom existera toujours. Aussi je prends mon courage à deux mains pour continuer, de sorte qu'après moi, mes petits-enfants diront, lisant les mémoires de grand-papa, « Grand-papa était dans les grandes batailles avec l'empereur Napoléon. » Ils verront comme nous avons frotté les Prussiens, les Autrichiens, les Russes et les Anglais en Espagne, et tant d'autres. Ils verront aussi que grand-papa n'a pas toujours couché sur un lit de plumes, et quoiqu'il ne soit pas un des meilleurs catholiques de France, ils verront qu'il a jeûné souvent et fait maigre, plus d'une fois les jours gras. C'était le 15 décembre à 7 heures du matin. Après être sortis de l'écurie où nous avions passé la nuit, nous marchâmes dans la direction de la route, jusqu'au moment où nous arrivâmes à l'endroit où nous l'avions quitté la veille. Là, nous fîmes halte. Grangier avait encore ma petite bouilloire en cuivre, qu'il portait devant lui attachée à sa ceinture avec une courroie, dans la crainte qu'on ne la lui enlevât, car un vase dans lequel on pouvait faire fondre la neige et cuire quelque chose était un objet précieux. Grangier me la rendit, car il prévoyait que je resterais encore en arrière et que je pourrais en avoir besoin. Il me l'attacha fortement sur mon sac. Le ciel était clair, mais le froid était supportable. Nous ne vîmes sur la route que fort peu d'hommes. Cela nous fit penser que la veille, la plus grande partie était allée plus loin et dans diverses directions. Nous aperçûmes sur la route du côté de Couvenot une colonne, mais ne pûmes distinguer si c'était des Français ou des Russes. Aussi, dans l'incertitude, nous nous remîmes en marche. Je marchais assez bien pendant une heure, mais au bout de ce temps, il me prit une forte colique, et je fus forcé de m'arrêter. C'était toujours la suite de mon indisposition de Vilna. J'attribuais cette rechute au bouillon de vache que j'avais mangé la veille et le matin avant de partir. Je marchais de la sorte jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi. Je n'étais plus éloigné d'une forêt que j'apercevais depuis quelque temps et où je voulais arriver pour y passer la nuit. Je n'en étais plus éloigné que d'une portée de fusil lorsque, sur la droite de la route, j'aperçus une maison où autour d'un grand feu étaient réunis plusieurs soldats de différents corps et dont la majeure partie était de la garde impériale. Comme j'étais fatigué, j'arrêtai pour me chauffer et me reposer un peu. Quelques-uns me proposèrent de rester avec eux. J'acceptai avec plaisir. Pendant toute la journée, le froid avait été supportable, et il l'était encore. Tant qu'à l'ennemi, il paraissait que l'on pouvait être tranquille, mais des hommes qui arrivaient par la droite de la route nous dirent qu'ils venaient d'apercevoir de la cavalerie et qu'ils étaient persuadés que c'était des Russes. « Quand ce sera le diable, répondit un vieux chasseur de la garde, cela ne m'empêchera pas d'établir ici mon quartier général. Mes amis, faites comme moi, chargez vos armes et mettez la baïonnette au bout du canon. » C'est ce que tout le monde fit tranquillement. Et puis, ajouta-t-il, nous avons le bois pour retraite. C'est par ma foi une belle et bonne position. Ensuite, il s'approcha d'un cheval que l'on venait d'abattre à quelques pas du feu, en coupa un morceau et revint tranquillement s'asseoir près du feu sur son sac et fait retirer sa viande au bout de son sabre. Plus de 20 soldats, dont une partie assis sur leur sac et les autres à genoux, faisaient aussi retirer du cheval. En face du chasseur dont je viens de parler, une femme était assise sur un sac de soldats. Elle tenait la tête penchée sur ses mains, les coudes appuyés sur les genoux. Une capote grise de soldat par-dessus une vieille robe de soie en lambeaux servait à la préserver du froid. Un bonnet en peau de mouton, dont une partie était brûlée, lui couvrait la tête. Il était tenu par un mauvais foulard de soie noué sous le menton. Le chasseur lui adressa la parole de la manière suivante. « Dites donc la mère Madeleine. » Elle ne répondit pas. Ce ne fut qu'à la seconde fois qu'un soldat qui était près d'elle la poussa, en lui disant « C'est à vous la mère à qui l'on veut parler. »« À moi, dit-elle. Mon nom est Marie. Que me voulez-vous ? » ?»« Un petit coup de rogom, comme à l'exercice. » « Pour du rogom, vous devez bien penser que je n'en ai pas. » Et elle se remit dans sa position première. Une autre femme, qui se trouvait aussi assise près du feu, avait sur la tête une chabraque ou peau de mouton bordée de drap rouge, découpée en festons et serrée autour du cou avec le cordon d'un bonnet à poil d'un grenadier de la garde, dont les glands lui retombaient sous le menton. Elle avait aussi par-dessus ses habillements une capote bleue d'un soldat de la garde. Cette femme, en entendant la voix du chasseur, leva la tête à son tour, en demandant celui qui voulait du rogom. « Ah, c'est vous la mère Gâteau ?» répondit le chasseur. « Eh bien, c'est moi qui demande du rogom. »« C'est moi, Michaud, qui vous parle. Vous êtes sans doute surprise de me voir. »« Eh bien, si quelqu'un est plus étonné que moi de vous rencontrer, et surtout chabraqué comme vous êtes, le diable m'emporte. Même avant le passage de la Bérésina, en pensant quelquefois à vous, chère mère Gâteau, je pensais qu'il y avait déjà longtemps que les corbeaux avaient fait une fristouille à la neige avec votre vieille carcasse. »« Insolent, répondit la mère Gâteau. « Ils te mangeront avant moi, vieil ivrogne. Ah, il te faut du rogome, continua-t-elle d'un ton goguenard. T'as diablement été privé depuis 3 mois. Mais possible qu'à Vilna hier, à Kovno, tu en auras pris une bonne dose. C'est ça que tu as tant de blagues. Une chose qui m'étonne, c'est que tu ne sois pas mort d'avoir bu, comme tant d'autres que nous avons vus dans les rues. Il y a tant de braves gens qui sont restés là-bas, tandis que ce mauvais sujet, un mauvais soldat, vit encore. Halte-là, la mère Gâteau, reprit le vieux chasseur. Lâchez-moi vos bordées tant que vous voudrez, mais au nom de mauvais soldat, mère Gâteau, halte-là. Ensuite, il continua, tout en grognant, de manger le morceau de viande de cheval qu'il tenait à la main, et dans lequel il avait cessé de mordre pour répondre à la vieille cantinière. Une minute après, elle reprit. Voilà 2 ans qu'il m'en veut. Depuis qu'à l'école militaire, je n'ai pas voulu lui donner à crédit. Ah, si mon pauvre homme n'était pas mort, si un coquin de boulet ne l'avait pas coupé en deux à Krasnoé. Et puis, elle s'arrêta. Ce n'était pas votre homme, vous n'étiez pas marié. Pas marié, pas marié. Voilà bientôt 5 ans que je suis avec lui depuis la bataille d'Eylau, et je ne suis pas marié. Que dis-tu de cela, Marie? En s'adressant à l'autre cantinière. Mais Marie, qui se trouvait dans la même position que la mère Gâteau, à l'égard du mariage, ne répondit rien.